Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai un des deux animateurs de ce, ma foi, beau petit programme sur l'automobile. L'autre est mon ami, collègue et gars qui s'est sauvé de la neige en s'en allant en Californie. Puis là, il s'est sauvé de Donald Trump en revenant à Montréal, puis il s'est sauvé de la neige en s'en allant en Colombie-Britannique, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc. Salut. Bon, c'était compliqué un peu ton histoire, là. Ouais, c'était comme... T'as fait beaucoup de voyages, mais c'est parce que t'as été en Colombie-Britannique il n'y a pas si longtemps, t'es revenu à Montréal, là, t'es allé en Floride, t'es allé en Californie, t'es revenu à Montréal pour retourner en Colombie-Britannique. C'est parce que là, t'es direct en ligne d'où ce que t'étais pour faire l'émission de la semaine passée. T'es juste comme plus haut au nord, tu sais. T'as traversé la frontière, là. T'es en sécurité, finalement, ici. Sur la terre de M. Donald Trump. Donc... Bon. Fait que c'est ça. Fait que t'es aussi loin, mais t'es comme juste un peu plus haut. C'est ça, exactement. Je suis dans les Rocheuses au lieu d'être sur le bord de la plage. En fait, c'est pas les Rocheuses ici. Là. Non, c'est un petit peu différent. Donc, t'es là pour essayer une Lexus. Tu vas nous en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Effectivement. On va commencer par parler un petit peu. On a plusieurs sujets cette semaine. On a des essais. Marc va nous parler de la Fiat 124. Qui est la version Fiat de la Miata. Là. C'est basé sur la plateforme de la Miata, une entente entre Chrysler et Mazda. Moi, je vais vous parler de la Nissan 370Z. Et puis, Marc va nous parler de son escapade en Colombie-Britannique pour essayer une Lexus. Puis, on va finir avec des nouvelles, comme on fait à peu près toujours. Donc, Marc, on voulait juste commencer. Il y a eu des petites nouvelles côté AJAC, le côté l'Association des journalistes automobiles du Canada, côté... voiture de l'année. On connaît les finalistes pour chaque catégorie maintenant. Fait que c'est trois finalistes par catégorie. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, si on veut juste rappeler, il y a eu le FestiFest, le Festival des essais, au cours duquel les journalistes sont allés essayer les voitures. Mm-hmm. Les votes s'enregistrent la semaine même, mais le temps que la firme comptable comptabilise tout ça, s'assure que tout est conforme et que on prend en compte différents éléments, notamment le prix et tout ça, ben ça prend quelque temps. Et là, on a annoncé les finalistes. Il faut simplement rappeler que le gagnant, lui, va être connu seulement au cours du mois de février au Salon de l'Auto de Toronto. Oui. Alors, dans la catégorie des meilleures petites voitures, il y a trois finalistes, tu l'as mentionné, par catégorie. Alors, dans ce cas-là, c'est la Chevrolet Cruze. À Hayon, parce que c'est celle qui est en nomination, mm-hmm. La Hyundai Elantra et la Subaru Impreza. OK, juste comme ça, je te pose la question vite, qui tu penses va gagner? Ben moi, j'avais opté pour l'Elantra. OK. Et je maintiens ce... Parce que c'était ma catégorie, là, j'ai essayé les voitures dans cette catégorie-là. Moi, j'avais opté pour l'Elantra. Les autres sont de bons véhicules, mais avaient des petits défauts qui me dérangeaient un peu. Alors évidemment, là, ça me... Mais bon... On va voir les votes, on ne sait jamais exactement comment ça tourne, parce que, comme je le rappelle, il y a des éléments dont qu'on prend en considération. Le prix, par exemple, a un impact aussi. Bon, il y a plein d'affaires comme ça. Okay. Fait que c'est. On va garder notre. Parce que des fois, on a des surprises, hein, puis on a l'air épais un peu quand on a fait des votes demain. Oh oui, mais gars, tout le monde avait dit que Donald Trump ne pouvait pas gagner, puis finalement. Bonne chance aux Américains. Exactement. Fait que c'est ça. Il y en a un sérieux paquet qui ont eu l'air épais aussi. C'est ça. Mais bon, c'est ce qui est changé. Je suis d'accord avec toi pour l'Elantra. D'après moi, ça va être la voiture gagnante. Mais on va voir au mois de février. Ben, on va voir un peu avant pour les finalistes. Ça va être parce qu'à Montréal, ils vont annoncer certains finalistes qui vont être finalement choisis à Toronto comme la voiture gagnante. Là, à Montréal, on a la liste des voitures qui vont se battre pour vraiment le prix. Là. Après ça. À Montréal, c'est qu'ils nomment les gagnants par catégorie. C'est ça. Il y aura les gagnants par catégorie. Et à partir des gagnants par catégorie, là, on verra ce que ça va donner pour la voiture canadienne de l'année. C'est ça. C'est là qu'on va voir si on s'est planté beaucoup, un peu ou pas du tout. Exactement. Meilleure nouvelle, grande voiture. Ouais. Ça, c'est... Le nom a changé. C'était avant la meilleure grande berline. Ouais. Évidemment, pour des raisons évidentes au niveau de l'appellation berline, on a voulu changer ça. Parce que ça peut être une coupée, ça peut être comme dans ce cas-là une familiale ou presque, mm-hmm. puisqu'il y a trois véhicules qui sont là, la Chevrolet Malibu hybride, la Kia Optima hybride aussi, et la Volkswagen Golf All-Track, oui. qui est plus proche d'une familiale en fait. Ouais, c'est un station wagon. C'est un bon, exactement. Bon vieux station wagon. En français, station wagon. Non. Fait que c'est une familiale, d'où le changement de nom. Ceci explique cela, mon cher. Ouais, mais les Français appellent ça un break. Un break, oui, effectivement. C'est ça. Donc, la Golf Break. Là-dedans, qui tu penses va gagner? Écoute, honnêtement, ça, c'est assez difficile. Moi, j'aurais opté pour la Malibu hybride, mais on a un faible pour les Volkswagen Golf en général au Canada. Alors, si j'avais un vieux 2$ à mettre, je le mettrais sur la Golf. Ouais. J'ai beaucoup aimé la Malibu hybride aussi. J'ai fait Montréal-Toronto, aller-retour avec. Et puis, ça a été une voiture vraiment, vraiment magnifique. Mais j'ai pas conduit les deux autres. J'ai conduit l'Optima régulière. J'ai pas conduit encore la Volkswagen Golf All-Track, mais la Malibu, moi non plus, mais... la Malibu solide. Oui, puis mais en revanche, comme je te dis, on a un faible en général pour les produits Volkswagen. Alors, je pense que ça pourrait bien être Volkswagen. Peut-être, on verra bien. Ensuite, meilleure nouvelle grande voiture. Là, c'est le fun, on regarde ça. Là, puis Chevrolet a des voitures dans les trois premières catégories qu'on vient de parler. ça va quand même bien pour eux autres cette année. Dans la meilleure nouvelle grande voiture. Ouais, nouvelle grande voiture premium. Ouais, ben, Chevrolet pas là du tout. Ben, c'est Buick, GM, oui. GM. C'est ça. Oui. Parce que là, c'est la Buick LaCrosse, oui. La Mercedes-Benz Classe E et la S90. Ouais. Là, je voulais te dire qu'entre les deux dernières, mon cœur balance. Moi, c'était aussi une de mes catégories. La Mercedes-Benz Classe E, à mon avis, est plus solide sur la route. Plus agréable en conduite, plus dynamique, mais en termes de style de design, de confort, la S90 de Volvo, c'est vraiment toute une voiture. Okay. C'est assez spectaculaire. Pour moi, c'est vraiment une voiture absolument spectaculaire. Alors, je ne sais pas laquelle, honnêtement. Moi, j'ai opté, dans mes résultats à moi, ça me donnait la Mercedes Classe E au total des points, mais comme je te dis, il y a toute la question des prix et de d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Y compris des performances. Alors ça, évidemment, j'ai aucun contrôle là-dessus. Ouais. J'imagine Buick, c'est une belle entrée, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tant de chance que ça contre Mercedes puis Volvo. Mais on verra ce que ça va donner. J'ai rien conduit à date. J'aurai la Buick LaCrosse au début du mois de décembre. Fait que je pourrais me faire une idée. Les deux autres, ben, c'est comme, on va oublier ça. On verra comment bien je vais aimer la LaCrosse. Mercedes et Volvo à date, c'est pas dans les voitures que j'ai la chance de conduire. Meilleure nouvelle voiture sport mais, et de performance, mais là, ça, c'est simple. Il y avait trois concurrents. Il reste trois concurrents. Ouais. La Fiat 124 Spider Abarth. Oui, oh, Abarth. La Ford okay. Focus. Oui, c'est la Abarth. La Ford Focus RS et la Hyundai Elantra Sport. Écoute, honnêtement, j'ai pas conduit les trois. J'ai pas touché à l'Elantra Sport. J'ai pas eu le temps. Mais la Focus RS va être dure à déloger, à mon sens, parce que elle est vraiment, vraiment toute une voiture. Écoute, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'essayer, là. Non. Mais moi, je me suis beaucoup, beaucoup amusé au volant de ce véhicule-là. C'est assez incroyable. Ouais, tu nous en avais parlé. J'espérais pouvoir aller justement au Festival des essais pour pouvoir essayer la Focus RS, parce que dans la dernière journée, on a la chance d'essayer toutes les voitures, si on veut. Puis en plus de prendre des photos, mais vu que j'ai pas pu y être, ben j'ai pas eu la chance de la conduire. Je pense qu'il faudrait que je travaille fort auprès de Ford pour être capable d'avoir cette voiture-là, mais c'est un gars s'essaye. Fiat 124, mais j'étais supposé l'avoir, puis j'ai dû la canceller pour les mêmes raisons que j'ai pas été au test fest. Donc, j'étais pas capable de rouler des voitures pendant ces semaines-là. Mais je pense, comme tu dis, la Focus RS va être dure à battre. À mon avis, c'est comment je pourrais dire... Là, elle est tellement bien faite, cette voiture-là, tellement complète. Oui, elle est un peu trop extrême, mais en même temps, comme voiture sport, c'est ce qu'on veut. Oui, c'est une bête. Ensuite, meilleure nouvelle voiture sport de performance premium. Ouais. Là, il y a trois finalistes, BMW M2, Mercedes AMG C-Classe Coupé, c'est la C63S, et la Porsche 911 Carrera 4S. Écoute, ton bête est aussi bon que le mien. Ouais. Franchement, la M2, à mon avis, devrait l'emporter par... La peau des fesses? Ouais, mais non. Plus, non. J'essaie de trouver le bon mot. Les gens l'aiment. OK. T'sais, elle est trop extrême, elle est trop brutale, elle est trop ci, elle est trop ça. Mais on est impressionné de la qualité de cette voiture-là. J'écoutais la nouvelle émission qui s'appelle Le Grand Tour. Oui, avec notre ancienne gang de Top Gear. Oui. Puis eux autres, ils parlent de la M2, là, pour eux autres, c'est la meilleure M qui a jamais été fabriquée. C'est ça, comme j'avais comme. Je pense que c'est justement Jeremy Clarkson qui avait dit la M2, c'est la meilleure M3 que BMW a jamais construit. Exactement. C'est la meilleure M selon lui. Ouais. C'est pas la plus rapide, mais c'est bon. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la C63S que j'ai eu l'occasion d'essayer sur le circuit au moment du lancement. Mm-hmm. Mais c'est vraiment. Écoute, je sais pas. Puis la 911, ben c'est une 911. Hein, c'est extrêmement difficile de dire que c'est pas une bonne voiture. Ben, c'est ça. C'est toujours. Ça se surpasse à chaque année. Mais on verra. Moi, exactement. Je mettrai pas de deux là-dessus. Je les ai pas conduits. Meilleur nouveau véhicule utilitaire compact. Trois finalistes encore. On a Ford Escape, Kia Sportage, Subaru Forester. Moi, celui-là, j'irais pour le Sportage. Ouais, j'ai bien aimé le nouveau Sportage. J'ai conduit le Ford Escape pendant une journée parce qu'il a fallu que je le rapporte à cause d'un check engine, puis je l'ai pas réussi à le réavoir. Fait que je sais pas. L'intérieur m'avait pas impressionné. Ça faisait encore un peu vieillot comme intérieur. Le Sportage a vraiment, vraiment tout. Subaru, ouais, à mon avis, oui. C'est ça. Le Forester, je t'admets que je ne l'ai pas conduit. Alors, pour moi, c'est difficile à dire. Donc, en général, les véhicules Subaru, autant j'aime les véhicules Subaru, autant je suis quelqu'un qui apprécie leur conduite et tout, autant je trouve des fois qu'ils sont un peu ennuyeux, puis ça les aide pas vraiment à remporter des prix de cette nature-là. Ouais, c'est pas excitant dans le design ni dans la finition intérieure, là, mais ça reste que dans la neige, une Subaru, tu te trompes pas. C'est ça. J'ai un ami journaliste qui disait que le département de design de Subaru, c'était une boîte à suggestions sur le bord de la cafétéria des employés. C'est possible. Après ça, il reste deux catégories. On va faire ça un petit peu plus rapidement. Meilleur nouveau grand véhicule utilitaire. Deux sur trois véhicules que je sais que t'aimes beaucoup. Oui, ben, en fait, les trois, je les ai beaucoup aimés. Okay. Chrysler Pacifica, GMC Acadia, Mazda CX-9. C'est trois véhicules qui ont des personnalités extrêmement différentes. Mm-hmm. Moi, j'opterais pour la Pacifica parce que je trouve qu'ils ont vraiment fait preuve de beaucoup d'innovation dans ce domaine-là. On s'entend que pour dire qu'on fait de l'innovation avec une minivan, il faut le faire, là. Non, ouais. Mais, moi, j'opterais pour la Pacifica, mais les deux autres sont d'aussi bons candidats. Et le CX-9 mérite aussi de la considération. Le problème du CX-9, ce qui risque de lui coûter cher, c'est le prix. Ouais. Parce que dans les versions les plus équipées, il arrive quand même à plus de 50 000 $. Mais c'est le cas de la Pacifica aussi. L'Acadia est innovatrice au niveau des, entre autres, le système d'alerte sur le siège arrière et tout ça. Ouais. Fait que je sais pas. Honnêtement, moi, j'opte pour le Pacifica, mais c'est plus avec mon cœur qu'avec ma tête. OK. Ouais, justement, j'aime ça Acadia. C'est tout de suite après la Buick LaCrosse, j'ai l'Acadia. Je vais pouvoir me faire une idée pour celle-là. Moi, je sais pas, j'ai pas conduit encore aucun des trois, fait que je vais m'abstenir. Meilleur nouveau véhicule utilitaire premium. On a encore trois. Buick Envision, Cadillac XT5 et Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC. Ouais. Alors moi, j'irais pour le XT5, même s'il a des défauts. À mon sens, c'est celui qui m'a impressionné le plus cette année dans cette catégorie-là. Ouais. Le GLC est pas un vilain véhicule, mais il n'y a pas assez de personnalité pour être vraiment top-notch à mon sens. Et le Buick Envision, écoute, c'est un beau petit véhicule, mais je t'avoue que je ne l'ai pas conduit. Il peut peut-être être très surprenant, mais pour le moment, du moins, j'irais vraiment pour le XT5. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé le XT5 quand je l'ai eu. À part le levier de vitesse qui a clairement été designé sur un lendemain de brosse, on dirait là, ça marche juste pas là. Mais j'aime le système de recharge de téléphone par induction. Dans le coffre, ils ont mis un système de rail avec une espèce de barrière que tu peux bouger pour mettre des choses d'un côté pour pas que ça se déplace. J'ai trouvé ça vraiment brillant. Le design de cette voiture là est vraiment super, puis il est confortable et tout ça. Juste le levier de vitesse, que je suis un petit peu en désaccord avec son style et son utilisation, mais pour le reste, je suis d'accord, c'est un excellent véhicule. C'est trop conservateur. Non. Je suis capable d'être avant-gardiste, mais ça, j'ai juste un petit peu de misère avec le fonctionnement. J'ai pas trouvé que c'était tellement ergonomique et facile à utiliser, mettons. Mais bon, c'est pas tellement grave. J'ai pas l'argent à m'en acheter un de toute façon, fait que ça sert à rien que je me plaigne. Donc c'est beau, Marc, on va terminer là-dessus pour cette section-là. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Plaisir, mon cher. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Deux sportives cette semaine. Toi, tu as essayé la Fiat 124, tout nouveau véhicule là, de Chrysler qui est sorti cet été. Là. Oui, effectivement. Puis c'est, je sais que toi, tu ne veux pas le faire, mais moi, je vais le faire. C'est une Fiatta. C'est-à-dire, c'est un mélange de Fiat et de Miata, tout simplement. C'est l'idée, en fait, c'est qu'on a pris la même plateforme que la Mazda MX-5 mm-hmm. et on en a fait un véhicule de Fiat. Quand tu la regardes, là, faudrait vraiment que tu aies bu beaucoup de whisky pour pas te rendre compte de la parenté. C'est des véhicules qui sont à toute fin pratique identiques ou presque. Oui, la partie avant de la Fiat est différente, mais en général, la ligne est la même. Et quand tu t'assois à l'intérieur, ben tout est Mazda. Là. C'est le même intérieur, le même habitacle, le même écran, le même volant, le même tout. Ouais. Il y a quand même des différences extrêmement importantes et à mon sens qui sont les plus importantes, c'est que ce n'est pas le même moteur. Ouais. Alors, dans le cas de la Fiat, tu as un 4 cylindres turbo 1.4 litres de 160 chevaux. Tu as une version Abarth là, qui est plus sportive à 164, mais c'est surtout ça. Donc, plus puissant que ce que l'on retrouve techniquement dans la MX-5. Un moteur donc qui est fait pour être un peu plus à haut régime et qui est jumelé aussi à des suspensions que l'on a modifiées. Ce ne sont pas les mêmes suspensions que celles que l'on trouve sur la MX-5. Okay. C'est vraiment quelque chose de différent. Et moi, j'avais eu l'occasion de jaser avec l'ingénieur qui travaille pour Mazda, mais qui a travaillé avec Fiat sur la mise au point des suspensions pour ce véhicule-là. Et lui me disait, il y a vraiment une énorme différence. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment conçu pour être plus sportif, plus agressif, plus bon. Ceci étant dit, c'est bien sûr facile à dire, mais je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, ils ont bien réussi. La conduite est totalement différente. La conduite est plus dure, plus rigide dans le cas de la Fiat. Mm-hmm. Le moteur aussi exige un peu plus, parce que c'est un moteur turbo, il y a un petit délai de réponse. Alors, ça évidemment, ça crée un peu de... C'est pas aussi agréable, je te dirais, qu'une Miata quand tu viens pour prendre le volant de ce véhicule-là. Par contre, dans l'ensemble, ça demeure le même type de véhicule, donc un petit cabriolet agréable, super maniable, qui te permet de te déplacer vraiment là. Écoute, c'est le fun à conduire pareil. Là. Je te dis, j'ai eu moins de plaisir avec la Fiat qu'avec la Miata. Mais non, ma Miata. Faut que je me corrige, ça s'appelle plus une Miata, ça s'appelle une MX-5. Faut que je me batte un petit peu. Mais c'est cute le nom Miata. Tout le monde aime ça le nom Miata. Oui, effectivement. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi il avait changé de nom. Moi, je trouvais que tellement ça leur allait bien, cette chose-là, en tout cas. Ouais. Bref, tout ça pour dire que la voiture, elle est dotée sensiblement du même genre d'équipement. Vraiment la même chose. Il y a des différences aussi au niveau de la boîte manuelle. Les boîtes, en fait, ne sont pas les mêmes entre la Fiat et la Mazda. La boîte manuelle est vraiment moins agréable dans le cas de la Fiat 124 Spider. Est-ce que pour autant, ça fait une voiture qui est moins équilibrée? Pas vraiment. On a été capable de conserver l'espèce de personnalité assez unique de ce petit cabriolet-là. C'est vraiment le fun, c'est vraiment joli, c'est vraiment, tu sais, mais faut aimer le style. Et jusqu'à maintenant, je te dirais que les gens qui m'ont vu passer avec la voiture aimaient mieux la Miata que la version Fiat de la même voiture. Okay. Pour le reste, écoute, tu connais comme moi comment ça se conduit. Tu as eu le plaisir de conduire la MX-5. Mm-hmm. Dis-toi que la Fiat, ce ne sera pas une grande surprise. La différence aussi, et ça c'est intéressant pour les amateurs, c'est que tu peux installer, si tu prends par exemple la version sportive de la Fiat 104, la Abarth, tu peux installer des éléments moteur, des éléments performance. Okay. Alors, tu peux changer l'échappement, tu peux mettre un volet. Il y a des choses comme ça que tu peux faire. Donc, alors que tu n'as pas cette option-là avec une Miata, par exemple. Avec une MX-5, il n'y a plus l'option des ce qu'on appelait les Mazda Speed. Là. Ouais. Ça a été oublié par Mazda au cours des dernières années. On pouvait acheter certaines pièces de performance, ce n'est plus le cas. Donc, au moins, cet avantage-là va à la Fiat. Pour le reste, honnêtement, C'est une voiture agréable, c'est une voiture de fun, mais il lui manque le petit côté, je dirais, le petit côté bien fini, bien équilibré, bien intégré, homogène de la MX-5. On n'est pas tout à fait rendu là, mais à mon avis, c'est une question de détail. On aime, si vous aimez les Italiennes, vous allez aimer la Fiat. Si vous préférez les Japonaises, allez-y vers la MX-5. Mais l'une comme l'autre, vous serez pas déçus. C'est deux petites voitures extrêmement agréables à conduire en été. Même toi qui s'enlève d'une main, même, et les mêmes défauts, là, incluant l'espèce de porte-gobelet qui est étrangement fait et l'ergonomie qui vraiment a été faite un soir de brosse aussi, comme tu dis si bien. Ouais, c'est ça. Alors, dans l'ensemble, un bon véhicule, un beau petit véhicule, mais j'ai un faible pour la Mazda si j'avais le choix. C'est une chose qui faisait peur un peu aux gens quand on a appris que Fiat allait prendre la MX-5 puis faire une voiture à eux avec ça. C'était la MX-5 a un poids balancé parfaitement de 50-50. On a-tu réussi à garder ça ou on a débalancé un peu les choses avec la Fiat? C'est un petit peu débalancé parce que le moteur n'a pas exactement le même poids, mais on n'est pas dans un déséquilibre. Honnêtement, tu ne ressens pas cette nuance-là. Okay. Et on a réussi à maintenir l'équilibre avec la Fiat Abarth. Donc, ça, dans l'ensemble, c'est assez bien réussi. Comme je te dis, c'est un véhicule qui est bien réussi. Il n'y a pas de différence vraiment majeure entre l'une et l'autre des bannières. Mais je pense que, bon, c'est... Moi, j'ai un faible pour la Mazda, là, que si tu veux. Je suis un vieux conservateur comme toi. C'est correct, t'as le droit. Et toi, t'es allé dans les plus sportives et un peu plus extrêmes, par contre. Oui, je suis allé avec la Nissan 370Z 2016. Voiture que ça fait quelques années que j'essaie de mettre la main dessus. Puis je sais pas pourquoi, elle est toujours réservée complètement pour l'été. Je sais pas. C'est probablement parce que c'est une voiture qui est assez extrême, assez agréable à conduire. Faut se dire les choses en partant, là. L'intérieur de la 370Z a besoin d'un restylage assez intense, là, parce que moi j'avais la version qui semble être la version de base. J'avais pas de siège chauffant, j'avais pas de volant chauffant, j'avais pas de navigation. J'avais une espèce de petit mini coffre à gants dans le tableau de bord. Les cadrans orange et tout ça, ça fait vraiment voiture un peu plus vieille. Donc, l'intérieur aurait besoin d'un petit restylage. Mais, quand on conduit cette voiture-là, on s'en sacre éperdument. C'est vraiment comme... Ben tu vois, moi cette voiture-là, honnêtement, là, entre toi et moi, la toute première fois que j'ai conduit la 370Z, c'était la 350 à l'époque, mm-hmm. Je l'ai eue pour une semaine. Je suis arrivé à la maison après une journée. Je dis à ma femme, je la conduis plus, je l'aime pas, m'a me tuer avec ce char-là. Et j'ai jamais été capable de me départir de cette impression de lourdeur et de difficulté à conduire. Ouais. C'est pas une voiture qui est facile à conduire, puis je vais vous le dire en terminant là, un petit peu, mais c'est une voiture qui est extrêmement puissante. Le ronronnement du moteur V6 est vraiment très bien avec l'échappement qu'ils ont mis. Ça te donne un beau grognement. C'est un V6 de 3.7 litres qui développe 332 chevaux. Donc, c'est pas un petit moteur. Comme je parlais avec mon patron, c'est comme un moteur avec deux sièges puis une carrosserie par-dessus puis quatre roues. Quand j'étais mettre de l'essence dedans, je me suis aperçu que c'était plus quatre roues, des sièges, une carrosserie puis une tank à gaz. Parce que c'est un gros réservoir. Gros réservoir, ça m'a coûté $75 le remplir, il était presque vide là, puis c'était plus que mon Escape quand je le remplis. La tank, le réservoir est énorme, mais c'est une voiture que j'ai trouvée extrêmement agréable. Quand tu apprends à maîtriser un peu la bête, là, parce qu'au début, c'est comme, OK, si je donne un peu trop de gaz, ouais, le derrière veut partir un peu tout le temps, mais c'est ça qui, c'est la beauté de la chose. C'est de la puissance brute, là. C'est vraiment agréable à conduire. J'ai pas eu de problème à conduire cette voiture-là. Comme je disais, l'intérieur est un peu, tu sais, a l'air un peu vieillot, mais un coup que tu conduis, tu t'en fous un peu. Tout ce qu'on a dedans, c'est du Bluetooth, puis un port USB pour écouter de la musique en MP3, si vous voulez. Pas de musique par flux continu, pas de navigation dans celle que j'avais. C'est disponible dans les versions les plus équipées, là. Mais de base, c'est vraiment pas de siège chauffant, pas rien, pas de technologie vraiment, juste du Bluetooth. Mais ça fonctionne. Ouais, mais ils ont baissé le prix aussi, là. Oui. La voiture est beaucoup moins chère qu'elle l'était auparavant. On parle d'une voiture qui commence à 29 998 $. C'est une baisse de prix là, de 10 000 $ comparativement au modèle de 2015. Fait que c'est quand même bien. Mais ça peut monter quand même à une voiture qui est à quoi ça monte jusqu'à 40 quelques mille avec la plus élevée, la Nismo, là, j'avais le prix, puis le site de Nissan vient de me planter. 49 948 pour le Nismo, mais là, on a du cuir, on a de la navigation, on a un kit extérieur, on a un moteur, une petite affaire plus puissant. T'sais, on a beaucoup plus. Il y a plusieurs modèles, le coupé Touring, le Touring coupé Sport, puis le Nismo. Fait que il y a différentes gammes de prix. Mais c'est une voiture qui est vraiment le fun à conduire. Puis là où ce que je dis que quand tu disais que t'as eu peur de te tuer la première fois, moi j'ai retourné la voiture lundi. Qu'est-ce que ça avait l'air les routes lundi? T'étais dans la neige, mon ami. J'étais dans la neige jusqu'au cou. Il a neigé toute la journée dimanche. Ça a toffé toute la nuit. Et lundi matin, je suis parti à 5 heures de chez nous parce que j'avais dans l'idée d'aller au gym m'entraîner. Je ne suis jamais allé au gym parce que je suis arrivé à Ville-Saint-Laurent. Il était 6h30 passé, presque 7h. Donc, je suis allé retourner la voiture au gestionnaire de flotte. Et puis, mais tout le long, des courbes et des choses comme ça, j'avais des pneus de performance. Là. C'est pas fait pour la neige. Fait que tout le long, la seule affaire que je pensais, c'est « scrape pas le char, scrape pas le char, scrape pas le char ». C'était assez intense comme expérience de conduite. Puis, c'est une propulsion, hein. Fait que tu donnes un peu trop de pousser sur l'accélérateur, puis derrière veut partir, puis dans la neige, c'est la dernière affaire que tu veux faire. Puis là, toi, t'es là, t'es prudent, puis là, t'as les vannes qui te passent à côté, eux autres, là, ça roule 130 km/h comme si rien n'était. Puis toi, t'essayes de pas prendre le champ avec le char à 40 000$ que Nissan t'a prêté. Là, je me suis rendu, j'ai rien endommagé. Et j'avais encore des bobettes propres quand je suis arrivé. C'était quand même pas pire. Mais j'avoue que c'était assez intense comme expérience de conduite. Là. C'était sur le sec, c'était merveilleux. La voiture est puissante, est précise. C'est vraiment le genre de voiture. Tu veux te faire du fun avec une voiture. Tu veux avoir une voiture qui est puissante, mais quand même, tu sais, confortable. Parce qu'elle est confortable à rouler. C'est pas, la suspension est pas trop dure et tout ça. C'est une voiture qui est agréable à conduire. Ben, c'est pas mal ça, là. C'est ce que le coupé sport peut être. Oui, on a, tu sais, les BRZ, puis les FRS, puis, tu sais, dans un autre ordre d'idée, la Miata, puis la Fiat, qui est des petits coupés sport, mais c'est sur un autre niveau. Là, tu passes avec des voitures qui ont toutes des petits 4 cylindres, tu sais. Là, tu tombes avec un gros V6 dans une voiture qui pèse presque rien, là. C'est ouais. Puissant, là. C'est vraiment, ça l'accélère, puis... Tu passes en première, tu passes en deuxième, puis à un moment donné, t'es en sixième vitesse sur l'autoroute, puis il y a comme plus de fin à puissance que tu peux avoir, puis à la vitesse que tu pourrais atteindre. C'est faut que tu fasses attention, c'est dangereux sur le permis de conduire. Comme j'aime dire, de zéro à plus de permis en pas long. Mais c'est une voiture qui est extrêmement agréable, puis c'est une belle voiture. Elle a encore de la gueule, malgré qu'elle n'a pas été refaite depuis plusieurs années. Là. C'est encore une belle voiture qui fait tourner les têtes, puis il n'y en a pas tant que ça, ces routes. Ah, non, effectivement, et elle n'est pas trop chère, malgré tout. Même quand tu la prends sans aller dans le Nismo non plus. Là. Bon, oui. 31, 41, 45, 49. Là, je vois à peu près, là, c'est plus 42, 42, 46, puis 50. Là, parce que y a des chiffres après le 41, puis c'est presque 42. Mais c'est une voiture qui est quand même 6 milli abordable. Puis c'est le fun. Oui, donc pour une voiture sport, là, effectivement. Oui, c'est une voiture vraiment agréable. Donc, oui, j'ai bien aimé. C'est sûr que c'est pas pratique, c'est un deux places, t'es couché quand tu conduis, mais c'est le fun, c'est une voiture tripante, là, c'est une voiture tripante, puis je la regardais vite l'autre jour, puis je me disais, il me semble qu'il y a des petits airs, elle a des petits airs de GTR, quand tu regardes de côté, là, il y a une espèce ouais, de... Ouais, là, c'est avec beaucoup d'imagination. Ouais, peut-être, il faisait peut-être sombre aussi un peu, là, mais elle était belle, grise foncée, tout ça, là. En tout cas, j'ai bien aimé. Fait que ça a été bien agréable, puis j'ai rasé de me tuer, mais comme on dit tout le temps, presque ça compte pas. C'est ça. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec le pourquoi du quoi t'es en Colombie-Britannique aujourd'hui. Là, on va jaser de ça en revenant. Avec plaisir, mon cher. Alors, nous sommes de retour, et Marc, t'es encore super loin de moi. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait une émission côte à côte avec moi qui a fait que tu voulais te sauver si loin que ça. Los Angeles, en Californie, puis là, la Colombie-Britannique, qui est comme en ligne droite aussi loin, mais au moins au Canada. T'étais en Colombie-Britannique pour essayer une voiture de Lexus, la nouvelle IS, si j'ai bien vu ton fil Facebook. Exactement, c'est la nouvelle IS, c'est la IS 2017, qu'on a remaniée, qu'on a remodelée un peu, avec laquelle on a fait quelques changements, des changements un peu spéciaux parce que normalement, quand on a... Tu sais, quand on fait des changements de milieu de vie, si tu veux, là, pour une voiture, on a tendance à faire essentiellement des trucs esthétiques. Ouais, normalement, ouais, c'est pas énorme, là. Normalement, c'est des petits retouches cosmétiques pour essayer de rajeunir un peu le look de la voiture. Mais dans ce cas-là, on a décidé d'y aller un peu plus à fond. Écoute, on n'a pas réinventé la IS, on va se calmer, là, dans le sens où ça demeure la voiture que l'on connaît, qui est une belle voiture, mais qui est la Lexus d'entrée de gamme et qui est prévue pour ça. Mais on a quand même fait des changements un peu plus importants, notamment au niveau du châssis, par exemple, que l'on a modifié, que l'on a rendu plus rigide avec l'usage de certaines formes d'acier plus solides, tu sais, les fameux aciers à haute résistance, là, dont on nous parle tout le temps. Ben, on a utilisé ce genre de truc-là pour la Lexus IS. Ça permet donc d'avoir un châssis qui est beaucoup plus sophistiqué, je te dirais, qu'il ne l'était auparavant. Okay. Alors ça, déjà, ça donne un bon coup de pouce quand arrive le temps de rouler avec la voiture. On a fait aussi des changements. Bon, bien sûr, il y a eu des changements cosmétiques. On en a parlé. On se retrouve avec, par exemple, la fameuse calandre en trapèze en avant chez Lexus. Ben, on l'a un peu modifiée. Évidemment, si tu prends la version F-Sport, qui est le modèle un peu plus dynamique, on arrive avec un motif en nid d'abeille dans la grille. Si c'est pas la F-Sport, c'est un modèle avec des lignes un peu plus traditionnelles. Mais dans tous les cas, on a gardé la forme en trapèze et on a mis les feux de jour d'ailes sur tous les véhicules. Okay. Donc ça, tu sais, on les voit maintenant. C'est facile de distinguer quelle est la voiture de l'année. Même chose au niveau des pneus, par exemple, roue 17 pouces en alliage pour les versions de base, 18 pouces pour les plus grandes, et on a même fait des roues de 18 pouces spéciales inspirées de celles de la LFA pour les versions F-Sport. OK. Bien. Alors, ça, c'est intéressant. Et là, bon, écoutez, il y a plein de gadgets qui ont été faits, plein de trucs qui ont été faits. On a même changé l'intérieur, c'est-à-dire que normalement, l'intérieur est en cuir, mais dans ce cas-ci, la version standard, ce n'est pas du vrai cuir. Ah. C'est une fibre synthétique qui s'appelle le Nulux. Je ne connais pas ce que c'est exactement, sauf que ce qu'on nous dit, c'est que c'est un, plus résistant, deuxièmement, surtout plus économique parce que ça pèse près de 50% de moins que le cuir traditionnel. Okay. Ce qui est quand même pas rien compte tenu de la quantité de cuir que tu as dans un véhicule comme celui-là. Ouais. Et en même temps, c'est 65% de moins de production de CO2 pour le mettre en place. Ouais, puis aussi, ça coûte pas la peau des fesses à une vache. Exactement. Aussi, hein? Ouais. C'est donc, tu sais, il y a tout cet élément-là. Donc, là, évidemment, on arrive avec des détails, mais c'est quand même des détails qui ont leur importance parce que, ben, évidemment, ça permet de remanier aussi l'intérieur. On a changé un peu l'affichage. Sur les versions haut de gamme, par exemple, t'as des écrans plus grands, des écrans de 10 pouces, en fait, qui sont admissibles sur l'affichage. Tu sais, on a vraiment joué avec tout. On a même donné plus de dégagement pour les sièges arrière. On est maintenant rendu avec des sièges, ben c'est pas gros, là, c'est 41 mm, là. Mais tu as quand même plus de dégagement pour les jambes. Alors bref, on a vraiment tout repensé. Même la banquette arrière, elle est maintenant divisible 60-40, donc tu peux transporter plus de matériel comme ça. Alors, on joue vraiment la carte totale, on change l'intérieur. C'est pas radical, on a encore le même petit Moses de système. De gestion multimédia que j'aime pas beaucoup là, avec la petite manette pis tout, ça me dérange un peu, mais un dans l'autre, ça c'est pas mal ce qu'on a fait au niveau des changements pour la Lexus IS. Là où on a aussi des choses intéressantes, c'est que la Lexus IS maintenant, elle est disponible en trois versions, évidemment qui sont basées sur les moteurs. T'as la IS 200 turbo qui est à propulsion, elle est dotée d'un moteur 4 cylindres 2 litres turbo, évidemment, tu t'en doutes, 241 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Okay. C'est la version de base, si tu veux. Elle n'est pas disponible, celle-là, avec le rouage intégral, jumelée à une boîte automatique 8 rapports. C'est vraiment une voiture, honnêtement, qui m'a beaucoup, beaucoup surpris dans sa conduite. On a eu l'occasion, nous, de rouler, bien sûr, sur les routes dans la région de Victoria, puisque c'est ici qu'on est, mais on est aussi allé sur le circuit, le Vancouver Island Motorsport Park. Okay. Et honnêtement, cette petite voiture-là m'a beaucoup impressionné. Oui, c'est une propulsion, oui, il faut que tu doses tes accélérations de façon extrêmement sophistiquée pour pas avoir l'air d'un épais puis te ramasser dans le clos. Parce que même s'il y a un contrôle de traction quand tu mets en mode sport, elle est un peu permissive, donc tu sens que tu peux faire drifter la voiture assez facilement, mais c'est une voiture qui s'est avérée extrêmement légère, moins puissante que les autres. Dans les lignes droites, j'étais pas capable de rattraper les autres nécessairement, mais aussitôt qu'arrivaient les virages, j'étais en mesure de me placer vraiment derrière eux et de les accoter et de pas bouger de là. Donc, c'est vraiment celle qui, moi, m'a beaucoup impressionné par sa tenue d'hôte, par sa maniabilité. Mais évidemment, c'est une propulsion. C'est vraisemblablement pas celle qui va attirer l'attention le plus chez nous. Ouais, donc plus la seule attraction intégrale, j'imagine, va être la grande préférée de tout le monde. Ouais. Mais il y a deux tractions intégrales, en fait. Tu as la version de la IS300. Là, on arrive avec un moteur V6 3,5 litres, une boîte automatique 6 rapports, 255 chevaux. Ça va. Et tu as la version IS350. Là, c'est le même V6 3,5 litres, mais on l'a un peu tuné, si tu permets. Et là, on est rendu à 306 chevaux, 267 livres-pieds. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus dynamique. Ouais. Je te l'ai dit, on est allé essayer les voitures sur le circuit. Mm-hmm. Comment je pourrais dire? Moi, si tu m'avais dit au départ qu'on allait sur un circuit avec une Lexus IS, je t'aurais dit, ben oui. Pourquoi? Ouais. Mais finalement, il y avait de bonnes raisons. Honnêtement, ces voitures-là ont été définitivement plus impressionnantes que ce à quoi je m'attendais. Okay. Il faut dire que quand on est arrivé sur le circuit, les premiers tours de piste qu'on a fait, d'une part, l'asphalte n'était pas chaude, les pneus non plus. D'autre part, il pleuvait pas, mais il a plu. Alors, l'asphalte était humide et il fallait vraiment un certain contrôle pour un circuit qui est excessivement technique. Okay? Ouais. Il y a 19 virages, il y a 91 mètres de dénivelé. C'est pas quelque chose que tu fais les yeux fermés de reculons. Ça prend vraiment une certaine attention et une certaine compétence de la voiture pour être en mesure d'absorber ces virages-là, d'absorber ces changements rapides et fréquents de trajectoire. Or, la Lexus IS s'en est très, très bien tirée dans toutes ses versions. Évidemment, la IS350 All-Wheel Drive, tu peux la mettre en mode Sport Plus, qui, elle, va jouer en même temps avec les suspensions adaptatives, avec la direction, avec le mapping de transmission, avec tout ça. Mais il y a un mode Sport qui est définitivement plus raisonnable pour les Joe Blow comme moi, qui sont pas nécessairement des grands pilotes. Donc, ça permet de le faire et de s'amuser abondamment. Alors, dans l'ensemble, c'est une voiture qui, à mon sens, est plus équilibrée qu'elle ne l'était. C'est pas encore la reine des voitures sportives, là. Ça fera pas concurrence à une Corvette demain matin, là. Mais pour un véhicule qui est à peu près à 40 000 $ de prix de base, ce qui est quand même non négligeable parce que c'est à peu près 1 000 $ de plus que la dernière génération, mais on a ajouté pas mal de choses. Je pense que c'est quand même très intéressant. Mais bon, évidemment, c'est pas sur la piste que la plupart des gens vont l'essayer. Donc, il faut voir ce qu'elle nous propose, justement. Évidemment, comme tous les véhicules de luxe. Mais là, elle arrive avec la gamme de trucs de sécurité, là, régulateur de vitesse dynamique avec un radar, bien entendu. Un système de pré-collision qui permet de détecter des piétons, donc qui va ralentir ou qui va t'avertir, en fait, qu'il se passe quelque chose devant toi. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le tester sur la piste, okay. Alors que je m'en venais un peu rapidement et que mon voisin d'en avant a décidé de freiner plus vite que ce que j'avais anticipé. Ma voiture m'a crié dans les oreilles un peu de faire attention. Alors, ça fait partie des affaires que j'ai appris. C'est un système d'alerte de sortie de voie, comme c'est le cas maintenant, avec la voiture qui va t'aider à se ramener dans la bonne trajectoire. Et tu as des phares de route automatiques. Donc, tu sais, les fameux phares qui vont, les hautes puis les basses, là, tu changes plus ça, là, ça se fait tout seul. Ben ouais. Mais ils sont aussi adaptatifs, c'est-à-dire que quand tu tournes le volant vers la gauche ou vers la droite, ben les phares vont se déplacer selon un certain angle pour pouvoir éclairer ton virage et rendre le virage plus sécuritaire. Okay. Alors, à ce moment-là, ça devient définitivement plus intéressant. Bref, dans l'ensemble, c'est une voiture qui, une petite voiture de luxe qui est homogène et qui, sans être, je te dirais, une une concurrente aussi agressive que les Mercedes-Benz peuvent l'être peut vraiment, vraiment rendre un bel hommage à ce genre de voiture-là. C'est une nette amélioration par rapport à ce qu'elle était, du moins dans mon esprit. C'est pas encore le grand frisson, on s'entend, mais on est définitivement sur la bonne voie chez Lexus. Non, c'est bon, parce que normalement, les Toyota, c'est leur l'agrément de conduite n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous. Peut-être un peu plus chez Lexus, là, mais c'est le fun de voir. C'est la nouvelle image. Ouais. C'est la nouvelle image qu'on veut donner. Hein. C'est vraiment, si tu regardes les publicités, les nouveaux modèles, comment on mise là-dessus, la LFA, tu sais, on joue vraiment davantage la carte du dynamisme de conduite et de la sportivité. Et je pense que celle-là en fait partie, là, la IS en fait partie. Bon, ben super. Donc, merci Marc. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec notre dernier bloc, le bloc nouvelle. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de notre bloc nouvelle. Je veux commencer quelque chose de vraiment, vraiment cave dans mon avis, puis on en a parlé un petit peu hors d'onde. Un des dirigeants de Daimler, qui est finalement Mercedes-Benz, qui est en Chine, a été accusé d'avoir lancé des insultes racistes lors d'une altercation. C'est vraiment bizarre. Selon les médias locaux, le président, qui est Rainer Gartner, PDG filiale poids lourd. J'aime ouais. beaucoup ton accent allemand. J'essaie. Ben, garde de PDK, on dit PDK. Hein. Ouais. Fait que, monsieur Hergé. qui est PDG de la filiale poids lourd de Daimler en Chine, donc les trucks, les gros camions, s'est violemment disputé avec un automobiliste chinois quand finalement il s'est garé dans sa place. Fait que finalement, il a volé l'espace de stationnement d'un monsieur chinois qui attendait patiemment probablement son tour. Tu sais, comme un peu on peut faire dans un centre d'achat quand on va magasiner dans le temps des fêtes, puis on se fait voler notre parking parce que y a quelqu'un qui l'a vu, puis nous autres, on attendait patiemment que le trou se libère. Fait que le monsieur de Daimler a finalement dit que tous les Chinois sont des bâtards. Là, c'est vraiment lui. Hein. Moi, j'ai rien à faire avec ça. Je vais juste vous rapporter la nouvelle. Il aurait lancé ça en anglais à la personne chinoise à qui il a volé son stationnement. C'est ça. Il y a des épées un peu partout. Puis c'est pas parce que t'es PDG d'une grosse filiale d'une grosse compagnie que tu veux dire t'es pas nécessairement t'es pas nécessairement un génie. Non, mais dans ce cas-là, c'est particulièrement épais là. On va se dire les vraies affaires là. Mais bon, regarde, c'est n'importe quoi. Mais tu sais. Comment je pourrais dire? Les réseaux sociaux font aussi que ce genre d'affaires-là arrive maintenant à tour de bras. Ça arrivait probablement aussi il y a 20 ans, mais on entendait moins parler. Là, maintenant, ça fait le tour des réseaux sociaux rapidement. Alors, voilà qui explique. Ouais, c'est ça. Le monsieur commençait par « Ça fait un an que je suis ici et la première chose que j'ai appris, c'est que tous les Chinois sont des bâtards. » Bon, je pense que dans son un an, à savoir le nombre de Chinois qui sont en Chine, il les a pas tous rencontrés. Fait que j'ai l'impression que peut-être que son échantillonnage est très très petit, mais je suis vraiment certain qu'il n'y a pas raison. Je sais pas. C'est assez bête pour une compagnie qui va essayer de faire de l'argent dans un pays comme la Chine. Je pense que ça peut-être avoir entaché un petit peu leur image. Ouais, ben, ce qui explique que monsieur n'est plus à l'emploi de Mercedes d'ailleurs. Là. Je pense qu'ils n'ont pas pris de chance. Non, non. Effectivement, il a perdu sa job. Autre nouvelle, as-tu quelque chose pour nous? Ben oui, mais les Chinois ne sont pas tous des bâtards. Ben la non. preuve, c'est la compagnie Next EV, qui est une compagnie chinoise qui vient de produire la NIO EP9 qui a été dévoilée à Londres. La NIO EP9, c'est une voiture électrique. Et écoute, c'est la plus rapide des voitures électriques à ce jour. 0 à 100 km/h, 2,7 secondes. Vitesse de pointe, 313 km/h, quand même. Incapable d'atteindre 3G en accélération latérale. Et elle est alimentée par deux batteries qui font à peu près ensemble un équivalent de 1360 chevaux. Ce qui n'est pas rien, faut-il le dire. 427 km d'autonomie. Ce qui est assez exceptionnel. Ouais. Et plus exceptionnel encore, 45 minutes de temps de recharge. OK. Tout vraiment prouvé, testé et démontré, là. Absolument. Il y a aussi une autre évidence, cependant. C'est $1 million. Ah, OK. Fait que, Oui, c'est une voiture qui a été testée, qui a été vue, mais on dit qu'elle va être faite à seulement quelques unités. Il y en a juste une pour le moment et elle ne répond pas encore aux normes nord-américaines. Donc, si tu espérais t'acheter une NIO EP9, ben, retiens ton argent pour m'acheter un cadeau de Noël parce que c'est pas celle-là que tu vas t'acheter cette année, mon cher. Ben, non, moi, j'ai même pas l'argent de m'acheter une Tesla, donc non, on n'ira pas vers cette voiture-là. Mais c'est drôle un peu, je trouve ça un peu dommage aussi, qu'il y a beaucoup d'énergie dans le monde de la voiture électrique qui est mise sur des voitures extrêmes, puis on dirait que, tu sais, c'est pas tant de monde que ça qui se concentre sur faire une voiture pour monsieur et madame tout le monde. Il y a plein de voitures électriques qui sont un peu déjanté, là, t'en entends un peu partout. T'avais Detroit Power, je pense qu'il avait fait une autre voiture sport, puis t'en as plein qui sortent à droite puis à gauche, mais tu sais, une compagnie qui se concentre sur faire une voiture électrique pour le petit peuple, tu sais, pour tout le monde, il y en a moins. Fait que c'est facile de faire une voiture électrique avec une grosse autonomie quand t'avais 200, 300, 400 000, 1 million. Faire ça à 40 000 $, c'est un petit peu plus... c'est une tâche un petit peu plus ardue et difficile et un petit peu plus... T'as plus de mérite de construire une voiture avec beaucoup d'autonomie à un prix abordable qu'à un prix dérisoire. Mais bon. Ben oui, mais c'est ça qui est le problème, en fait, là. En tout cas. Bref, moi, je pense que c'est des affaires de même des supercars, des hypercars, appelle-les comme tu voudras, il y en a tout le temps plein. Et c'est sûr que c'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde, mais ça existe et c'est intéressant de voir que cette espèce de souhaitons que cette espèce de technologie-là puisse un jour être amenée à des tarif plus raisonnable. Ouais. Mais ce qu'on va savoir, c'est qu'ils vont en faire 25, puis ils vont tous se faire vendre en Arabie Saoudite en dedans de 15 minutes. Ou en Chine, ouais. Pour les autres. À chaque fois qu'il sort un hypercar, comme on dit, une voiture en quantité limitée à des prix dérisoires, c'est drôle, ils se font vendre tout de suite. Ils les mettent en vente, puis ça disparaît. Ne plus. C'est comme, il y a quelqu'un qui est dans sa collection qui en met une, puis il y a 5-6 personnes qui font ça, puis il n'y a plus d'auto. Fini. Ça part à des vitesses dérisoires. C'est vraiment bizarre. On n'a pas la bonne job, Marc, je pense. Non, en tout cas, on n'a pas la bonne paye, ça, c'est sûr. Ouais. Dans la série des autres nouvelles un peu particulières, Mercedes-Benz, tu le sais, a annoncé qu'il se lançait dans la création d'un camion pick-up, le Classe X. Mm-hmm. Et tu seras heureux d'apprendre que le Classe X, dont la spécialité serait le hors-route, par ailleurs, là, il était conçu surtout pour ça, ben, qui viendra pas en Amérique du Nord. Ben, c'est pas surprenant, c'est sûrement à cause de la chicken tax aux États-Unis. Non, fait, c'est à cause du fait que le président de Mercedes-Benz USA, Dietmar Exler, dit que c'est pas un véhicule qui est conçu pour aller contre les F-150. OK. C'est vraiment fait davantage pour faire du hors-route un peu aventurier et que c'est pas le marché nord-américain est pas nécessairement prêt pour ce genre de véhicule-là. D'autant qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Ouais, mais alors évidemment, ça devient un peu plus compliqué dans ce cadre-là. En tout cas. Alors, toujours dans le cas de Mercedes-Benz, Mercedes-Benz qui envisage d'abandonner la fabrication de véhicules diesel aux États-Unis, mais la vente de véhicules diesel aux États-Unis. Volkswagen qui a annoncé qu'il ne vendrait plus de véhicules diesel en Amérique du Nord non plus. Oui, ce qui est un peu logique, hein, chez HOD, craint l'eau froide. Oui, mais en même temps, ils vont continuer d'en vendre en Europe et ailleurs dans le monde. Oui, mais les normes en Europe sont plus permissives un petit peu, là. C'est un peu différent, là, mais oui. Ben en fait, ils sont différents. Je te dirais pas qu'ils sont plus permissives, mais elles sont totalement différentes. Donc, c'est sûr que ça change considérablement la donne, mais on estime que donc ces véhicules-là ne seront plus vendus chez nous. Donc, ne cherchez plus le diesel. Ironiquement, c'est ce qui est particulier, c'est que Mazda a décidé que eux autres y arrivaient avec un CX-5 diesel au cours de la prochaine année. Ouais. Alors, il y a vraiment quelque chose, là, il y a quelqu'un qui a pas parlé à l'autre, certain. Je trouve ça très particulier, mais bref. C'est là qu'on s'en va. C'est donc un peu spécial comme idée. Mais regarde, tu parlais aussi de GM qui s'en venait avec un diesel dans son Acadia. Oui, effectivement. Mais tu sais, bon, on verra ce que ça va donner dans la réalité. Là, si les Allemands décident de ne plus y aller vraiment, ben là, ça va devenir un peu compliqué. On verra comment ça va se replacer, si tu veux, à l'avenir là pour le diesel. Mais honnêtement, tu sais, déjà qu'on n'est pas très favorable au diesel au Canada, ben, au Canada un peu plus, mais surtout pas aux États-Unis. À ce moment-là, ben, c'est sûr qu'on n'est pas là-dedans. Ouais. Et une dernière petite nouvelle avant de donner toutes nos coordonnées. Toyota qui vient de lancer un rappel important, 834 000 Sienna, la fameuse mini-fourgonnette de Toyota, toutes les modèles 2011 à 2016, en fait. 744 000 là-dessus ont été vendus aux États-Unis, mais il y en a quand même 90 000 chez nous. C'est un rappel important parce que c'est le circuit qui sert à fermer la portière latérale qui peut surcharger. Et ce qui se passe quand ça fait ça, c'est que la portière se déverrouille d'elle-même et elle peut ouvrir alors que la voiture roule. OK, moi, un petit peu dangereux. Évidemment, un petit peu dangereux. Surtout que c'est théoriquement un véhicule familial. Ouais. Alors, tu as une chance sur deux que tu aies un enfant assis en arrière. C'est pas nécessairement une bonne idée, je pense, que de ne pas se consulter. Alors, si vous avez une Toyota Sienna minivan entre 2011 et 2016, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a une, s'il vous plaît, assurez-vous qu'il va aller faire face à son rappel, parce que c'est vraiment, vraiment important. Comme on dit en québécois, envoyez au garage. Envoyez au garage. Ouais. Dans un gros garage. Dans un gros Linda, garage. Linda, ton gros garage. Ouais. Bon, excuse-moi, ben... C'est mon look Elvis Graton aujourd'hui. Ouais, t'as OK. J'ai pas vu de photo de toi aujourd'hui, mais c'est je te crois. Donc, Marc, ça, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, t'écrire, te communiquer, comment font-ils cela? Te lire surtout? Ben écoute, la meilleure façon, c'est soit par mon Facebook, Marc Bouchard. Ils peuvent même m'écrire mon adresse courriel personnelle, auto, A-U-T-O-S, à cgocable.ca, et sur Twitter, à Marc souligné Bouchard. Je pense que c'est le meilleur endroit pour le faire, s'ils veulent me rejoindre, évidemment, et suivre mes quelques péripéties au volant de voiture. Oui, sinon, on a une adresse courriel, hein, que tout le monde reçoit les courriels, info@saroulradio.com, parce que si vous écrivez juste à Marc, ben Marc va recevoir les courriels, puis moi, je reçois rien. Déjà que j'envoie les courriels qui rentrent à Marc en disant « Tiens, ça, c'est pour toi ». Donc, c'est ça, il y a info@saroulradio.com. On a le site saroulradio.com. On a une page Facebook, Ça roule Radio, un compte Twitter, Ça roule Radio, vous l'aurez deviné. Et puis, il y a moi sur Twitter qui est @Calazormo. Si vous m'écrivez, normalement, je réponds assez rapidement parce que j'aime ça. J'aime ça parler avec le monde sur Facebook ou sur Twitter et tout ça. Et puis, ben, vous pouvez nous trouver l'émission sur iTunes, sur Google Play et aussi sur Radio H2O, Radio Highway et sportradio.ca. On est un petit peu partout. Donc, si vous ne nous écoutez pas, c'est parce que vraiment vous essayez de nous éviter. Et si vous nous avez jamais entendu, ben vous faites une bonne job. Parce qu'on est un peu partout. Donc, c'est à peu près ça. Donc, là-dessus, Marc, on va terminer l'émission. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de faire ça avec moi, avec assez longue distance, hein, parce qu'on a 3 heures de différence. Donc, toi, c'est l'heure d'aller souper. Et ben on va refaire une autre émission la semaine prochaine. Merci aux auditeurs. Et passez une belle semaine et un beau week-end. On se dit à la prochaine. Bye. Bye, bonne semaine.